Mes affaires sont en bon train, car elle ne s'est pas effarouchée en m'entendant dire « M'aimerez-vous bien ?»« Le mort est mis à ma bête. Sautons dessus et gouvernons-la », se dit Eugène en allant saluer Madame de Beauséant qui se levait et se retirait avec Dahoud. Le pauvre étudiant ne savait pas que la baronne était distraite et attendait de Marsay une de ces lettres décisives qui déchirent l'âme. Tout heureux de son faux succès, Eugène accompagna la vicomtesse jusqu'au péristyle où chacun attend sa voiture. « Votre cousin ne se ressemble plus à lui-même, » dit le portugais en riant à la vicomtesse quand Eugène les eut quittés. « Il va faire sauter la banque. Il est souple comme une anguille et je crois qu'il ira loin. Vous seul avez pu lui trier sur le volet une femme au moment où il faut la consoler. Mais, » dit Madame de Beauséant, « il faut savoir si elle aime encore celui qui l'abandonne. »